Supporter tous les ragots des vieilles mégères qui se tapent dans le dos. Oh, si je t'ai pas là, le patin serait triste. Le patin serait bien triste et on se ferait chier. J'en sais encore plus que le curé du village. Ma boutique est le carrefour de tous les commérages. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire de Monique, qui pendant mon mari travaille, Monique c'est pique. Ah, si c'était pas là, le patron serait triste. Le patron serait bien triste. Et on se ferait chier. Grâce à la grosse madame entre choux, j'ai compris la fin de Raoul et Milou. Et je sais qui est le coupable. Un jour ou l'autre il se mettra à table. Heureusement j'ai des compensations. Avec certaines j'obtiens satisfaction. Et dans l'arrière-salle de ma boutique, je fais des cocus, des enfants, ça fait la trique. Si j'étais pas là, le patron serait triste. Le patron serait bien triste. Et on se ferait chier.